aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5 et je suis avec Victor. Bonjour Victor. Salut, salut Jade. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés que tous les deux. Mais oui. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, pourquoi on se retrouve aujourd'hui qu'à deux? Parce que on a voulu ouvrir la salle juste pour revenir sur tout ce qui s'était passé pendant ce mois dans l'actu ciné, audiovisuel, culture, tout ce qu'on a pu manquer, tout ce que vous avez pu manquer. On est un peu l'avant-séance avant que le film commence. Ouais, mais c'est plus l'après-séance. Chelou de... On vous dit ce qui s'est passé, ouais. Que vous savez peut-être tant déjà. Tant de trucs, voilà. On trouvera un meilleur titre. Bref, aujourd'hui, on rattrape le mois de mars. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout. Hello. Theodore. You can't speak. You can't move. But this opens you up to the influence. And it breaks down your defenses. Trust me. All right? Part of you, but exploring is not a game, and you don't look before you leap. No! I'm okay, Boots. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Ce mois-ci, c'est passé moins de trucs que le mois d'avant où il y a eu tous les festivals et tout dont on a parlé, mais que dans personne ne sait. L'épisode fantôme perdu parce que je l'ai supprimé sans faire exprès. Moins de choses, mais quand même il s'est passé quelque chose. On a eu plusieurs bandes annonces qui sont sorties, notamment la bande annonce du film, du nouveau film de Ari Aster, Midsommar. Donc encore un film d'horreur. Je n'ai absolument aucune idée de c'est quoi le pitch. Est-ce que tu sais c'est quoi le pitch? Ben c'est alors vous avez vu, si vous avez vu Problemo, c'est que Derek Judor, donc petite communauté qui vit sous les bois et ça tourne mal. Et ben là c'est pareil, mais en film d'horreur. Et donc c'est un jeune couple qui vont dans un espèce de festival chelou. Hippie, bobo, ils vont à Rock en scène en fait. Ils vont The Rock. Et il y a apparemment des choses pas très saines se déroulent. Ouais, un peu fantastique. Et... C'est pour un peu de drogue peut-être. Mais ouais, il se passe des choses un peu cheloues. Et c'est en Suède. Je sais pas, le titre est en suédois. Le titre a une connotation suédoise. Bah, c'est en suédois, carrément. Donc, je me demande si ça se passe pas en Suède, justement, au milieu de l'été. Ce que veut dire Midsommar. Je pense que ça va être un truc, au vu de l'abondance, parce que ça m'a rappelé un film et qui doit être une grosse influence à Ari Aster, qui est The Wicker Man. Ça me dit un truc. Un film des années 70 où c'est un détective qui enquête sur une île. Sur une île. Il est assez isolé et il va enquêter sur la disparition d'une jeune fille dans un village qui, parallèlement, en fait, prépare les festivités pour une grande occasion, une fête annuelle, tradition, une fête rituelle. Et en fait, il se passe aussi des choses pas très funky. Mais d'ailleurs, j'y pense, il y a 1000 festivals et fêtes, tu sais, les fêtes du calendrier là, qu'on ne connaît pas trop, mais qui sont importantes quand même, qui sont un peu mi-religieuses, mi-culturelles. Il y en a plein comme ça en Suède et il y en a plein en été. Du coup, je me demande si c'est pas autour d'une fête comme ça. Donc, j'ai oublié le nom parce que ma culture de si la s- culture suédoise si est tachée. Si ça se trouve, ce sera le Fire Festival, mais en film d'horreur. C'est déjà un film d'horreur, le Fire Festival. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme bande-annonce ? On a eu la bande-annonce du très, très, très, très, très, très attendu et du très, très, très, très, très, très, très, très gros blockbuster Avengers Endgame, Avengers 4. Qu'est-ce que... Bah, on va pas vous faire le... Moi, vu le titre, je pense que c'est le début de quelque chose. Hein. Oh, il y a End. Mais tu sais que j'ai lu que Endgame, c'était un mouvement au jeu d'échecs où, en gros, tu sacrifiais tous tes meilleurs... Enfin, tu sacrifies tous tes meilleurs pions pour privilégier ton roi et ta reine, enfin un truc et comme ça. Vu ce qui arrive... Peut-être que c'est pas si con que ça, comme titre. Vu ce qui arrive à la fin d'Infinity War... Ouais. Never forget, Monsieur Stark, je me sens pas bien. C'est pas un spoil, tout le monde l'a vu, oui. C'est bon. Ouais, donc on va pas vous faire le déshonneur de vous pitcher Avengers, tout le monde. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec ces trailers-là, c'est que pour une fois, et je pense que c'est parce que c'est un peu comme la nouvelle saison de Game of Thrones, ils veulent vraiment que le truc soit secret, en fait. Ouais, on voit pas tout le film dedans. On voit absolument, on voit même que dalle, hein, le trailer. On doit voir genre 3 minutes du film à tout casser. Et moi, je trouve ça bien parce que ça donne quand même. Ouais, parce qu'il est vachement bien monté et il y a un peu de tension et tout. Et ça donne envie de voir le film sans pour autant qu'on voit tout le film dedans, comme 90% des trailers. Et après, je pense que ça va être le film où il va falloir réserver sa place. C'est clair. Surtout si tu veux aller le voir le jour. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Hein. Bah, moi aussi, très certainement. Par contre, l'affiche, pas ouf. Mais ça, tu sais, c'est les affiches directes où il y a 1000 personnages dessus. T'as des personnages en très grand. Il n'y a pas des personnages de Black Panther qui ont été ignorés ou un truc comme ça. Je sais pas, j'ai tellement pas fait gaffe. J'ai juste vu, j'ai fait oh, c'est moche. Je vais passer à autre chose. Donc, il sort cet été ou en mai, je sais plus. Il sort en mai. Il sort même fin avril. Il sort très bientôt, on en parlera peut-être dans le prochain rattrapage, le rattrapage du mois d'avril. Mais en tout cas, la bande-annonce est sortie ce mois-ci et moi, en tout cas, j'ai très hâte. Je sais pas si t'as hâte, Victor, mais moi j'ai oui, hâte. Bah, oui, c'est, on a ce cas... petit plaisir de regarder les films Marvel. Voilà. Mais en tout cas, un film sur lequel... je sais plus faire des phrases françaises. Un film pour lequel je sais qu'on a tous les deux hâte. Je sais absolument pas si c'est une phrase totalement grammaticalement correcte, mais je l'ai dite quand même, c'est... John Wick 3, dont on a eu la bande-annonce il y a très peu de temps. Le fameux, tu mélanges plusieurs langues. C'est, mais John Wick, c'est le nouveau John McClane. C'est même pas le nouveau John... Non, c'est pas le nouveau John McClane. John Wick, c'est John Wick, oui, c'est le nouveau... c'est totalement différent, c'est une nouvelle... C'est un peu genre... Le nouveau actionneur... Ouais, c'est ça, c'est un peu le... Tu sens un peu d'influence de genre de James Bond, de Die Hard et tout, mais c'est enfin une nouvelle franchise. Enfin, là, c'est le troisième, du coup, ça fait longtemps qu'elle a commencé la franchise, mais c'est un nouveau truc totalement à part entière. C'est pas un reboot, un remake, un spin-off, un machin, et c'est cool. Et en plus, c'est Keanu Reeves qui joue le rôle principal. C'est casse la gueule à des gens parce qu'on a tué son chien. Ah, mais c'est génial! Des sabres sur une moto dans cette bande-annonce, et puis le casting aussi, il est fou. Il est fou. On trouve Ian McShane. Marc Dacascos. Ouais. Si vous aimez les films un peu vieux des années 90-80, vous saurez qui est Marc Dacascos et c'est chambé de le revoir. Angelica Houston aussi, oui. Halle Berry. Jacquette Dillon, je sais pas comment on dit son nom de famille. Elle est un peu plus obscure, mais j'adore cette actrice. Le trailer pue la classe. Des combats de sabre sur une moto, des combats de flingues, John Wick qui pète la gueule à des gens, ça va être chambé. Et c'est des belles lumières aussi. Oui, c'est très beau, c'est très joli, j'ai très hâte, je sais absolument pas quand est-ce qu'il sort. Laurence Fishburne aussi. Laurence Fishburne et Jason Mantzoukas, que j'aime beaucoup aussi, oui, et qui crie tout le temps. Derek, Derek dans The Good Place. Et qui a aussi un podcast sur des films de merde et qui gueule non-stop. Et c'est très bien. Je vous recommande ce podcast d'ailleurs. Vous chercherez, j'ai la flemme de dire le nom parce que c'est très long et très compliqué à dire. Autre trailer et dernier trailer très important, gros trailer qui est sorti ce mois-ci dont on va parler, c'est le trailer du prochain film de Tarantino. Ah, les What's étudiants de licence 1 et les youtubeurs sont contents là. On leur fait une dédicace. Le trailer de Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, entre autres, évidemment. Qu'est-ce que ça raconte, ce film, Victor? Alors... Moi, j'ai pas vu le trailer. C'est... alors... En fait, ça, je pense, Tarantino, il a vu ce film-là, il voit ce film-là, à mon avis, comme une sorte de Pulp Fiction. Donc, ça va être plusieurs récits qui vont faire un tout... Et ce tout, ce sera l'année 1969. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, bah, c'est le meurtre... Enfin, c'est l'histoire de Sharon Tate qui a été assassinée par la bande de Charles Manson. Ouais. Et moi, en fait, ce film, je le... C'est bon, voilà, forcément, c'est un grand film de Quentin Tarantino. Donc oui, c'est forcément quelque chose qui aura de la gueule. On attend tous... ce que ça va être au résultat. En revanche, moi, je suis vraiment curieux de voir comment il va traiter cette affaire. Sharon Tate, c'était pas la meuf de Polanski? Alors si, et Polanski, enfin, il y aura le personnage de Polanski dans le film. On retrouve aussi Bruce Lee dans le, parmi les personnages. Et en fait, moi, je me demande vraiment comment il va traiter cette histoire. À mon avis, je pense qu'il va faire un truc comme Django Unchained ou Inglourious Basterds. Il va réinventer l'histoire et au vu de peut-être quelques indices sur le trailer, à mon avis, on ne va pas raconter le meurtre de Sharon Tate. Ouais, ou... mais elle est quand même principale. Enfin, ouais. Tu sais, il y a eu deux affiches qui sont sorties. Je veux dire, sorties, il va pas filmer ça, il va se réapproprier l'histoire pour en faire ça va être partie, une réalité alternée. Ah ok, parce que les deux personnages de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, ils ont vraiment existé ou pas ces gens? Non, pas du tout. Donc c'est inspiré. C'est les seuls qui auront existé ce format, ce sera Polanski, Sharon Tate. Après, ce sera moi toujours... ça m'intéresse pas trop, mais bon, il y a Margot Robbie dedans, donc je regarderai quelques scènes. C'est ça. moi je suis curieux. C'est vrai qu'il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui en parlent, principalement parce que c'est Tarantino et... Leonardo DiCaprio et Brad Pitt et Margot Robbie, quoi, mais... Après... Et c'est inspiré... Enfin, c'est basé sur l'histoire et tout ça, mais... Ça peut être très casse-gueule, tout comme ça peut être ouais, très voilà, fun. C'est ça. Et c'est ça, en fait, que la bande-annonce me laisse présager, en fait. C'est que c'est vraiment un truc... On montre les années 60, de Hollywood des années 60 de manière très, très cool. Il y a des punchlines, musique, enfin, c'est basique Tarantino, quoi. C'est... Eh ben, je la regarderai dès qu'on aura fini cette émission, comme peut-être les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ce mois-ci d'important dans le monde du cinéma? On a eu un truc super cool que moi pour lequel j'ai très hâte, c'est le début du tournage de Dune de Denis Villeneuve. Et j'ai une hype, mais comme jamais, peut-être pas plus, mais presque au même niveau que Blade Runner 2049. Qui était aussi de Denis Villeneuve d'ailleurs, donc c'est dire Dune qui va être plus que chambé, avec un cast plus que chambé dont on avait parlé d'ailleurs dans l'épisode notre fantôme. Épisode perdu, avec Timothée Chalamet, évidemment, Oscar Isaac, évidemment, et plein d'autres gens, j'ai oublié tous les noms, mais mon cerveau ne se concentre que sur Oscar Isaac, Zendaya. Il me semble, enfin bref, ouais, vous ferez des recherches, on vous donne juste des petites pistes de ce qui s'est passé ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ce mois-ci? En mars, est-ce que tu as noté d'autres choses dans le monde du cinéma? Peut-être des trucs plus indés dont on n'a pas... Ah, alors là, j'ai une info en tête, alors qu'elle est clairement pas indépendante. C'est le rachat de la Fox par Disney. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas trop suivi cette affaire. Ça va être assez effrayant, je pense. Pourquoi? Parce que Disney est un peu en train de tout englober. Ça va être l'Empire Disney... Et d'un mais autre... Mais en fait, le truc, c'est qu'ils commencent déjà à fermer les studios, les départements de la Fox. Ils ont déjà fermé Fox 2000 alors qu'ils... J'avais vu ça. qu'ils étaient pas censés le faire, en fait. Ils avaient annoncé qu'ils allaient le garder et au final, non. Mais qu'est-ce qui est... Par exemple, quel film était de la Fox qui en fait maintenant, par exemple, un film Disney? Bah, tu peux... En fait, je vais reprendre des vents, les tweets même qui sont apparus. Par exemple, tu peux dire que la favorite dont on a parlé C'est un film de la Fox? est un film Disney et que Lady Sarah est une princesse, est la meilleure princesse C'était un Disney. film de la Fox, la Ouais. favorite? Oh, je savais pas, putain, Fox j'ai bien fait mes recherches. Hein. Fox Searchlight, donc la fille Ah somme. oui, ok, ouais. Ouais, donc le putain de princesse Disney, chanmé. Mais on a des princesses Disney chanmées maintenant, n'empêche. Hélène Ripley. Mais c'est stylé, attends. Enfin, c'est stylé, c'est la seule chose stylée Marge, qui va peut-être en il y sortir. avait à tout. Ah Alors, c'est oui, le les nerd, Simpsons, c'est c'est Marge. le nerd des fans des Simpsons Il est qui de vous parle. retour, il est là pour parler des Simpsons. On fera un épisode spécial Simpsons si tu veux un jour. C'était un tweet, tu voyais Patty et Selma et qu'ils ont dit, ah, maintenant c'est trop cool, ces deux queens sont reines Mais Disney. ouais, non mais c'est chambé. Enfin, c'est chambé juste pour ça, mais c'est vrai que... Ah, on va pas faire tout un débat sur Disney non plus, mais c'est quand même très puritain pour... Enfin, ça se cantonne au code d'américain et c'est toujours très puritain, faire plaisir au plus grand nombre, pas sortir des codes, des cadres et tout. Donc c'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour le progrès, on va dire, social au cinéma, tu vois, mais bon. Après, on verra ce que ça donne. Je vois pas l'intérêt qu'a Disney de racheter la Fox, à part faire des thunes, tu vois. Mais enfin, c'est deux choses complètement différentes. Du coup, je trouve ça un peu étrange. Mais l'argent avant tout. Des événements de ce mois-ci. Alors, si vous vivez en France et que vous suivez un peu les séries et tout ça, vous êtes certainement au courant que vient de se terminer, à l'heure où vous écoutez cette émission, le festival Sériemania, qui a lieu à Lille, mais qui a... y a plus du tout de choses à Paris. C'est Plus du plus... tout. Parce qu'avant, c'était pas entre Lille et Paris, maintenant c'est que à Lille. C'est que à Lille, ouais. Donc à Lille où on a eu des invités du style Uma Thurman qui était genre the invité Pour la série Netflix Chambers. voilà que je Série voilà d'horreur, apparemment, où une femme qui a subi une transplantation de cœur va voir l'esprit de celle qui est. ah ça me rappelle le film d'horreur japonais Wig, The Wig. C'est un film sur Kristen. Non, c'est pas un film sur Kristen Wiig. C'est l'histoire d'une meuf qui, je crois, elle a un Une cancer et à cause perruque. de la chimio, elle perd ses cheveux et sa sœur Voilà. lui offre une perruque et la perruque, elle est hantée ou enfin, c'est un truc comme ça. Alors, je suis désolé, alors, parce que c'est pas très drôle, mais je ressors Qu'est-ce qu'il y a? On encore. s'en fout, c'est un film. Je ressors encore le côté nerd des Simpsons. C'est vraiment ton histoire, c'est celle où Homer, de l'horreur Oui, show, non, où mais c'est Homer a les inspiré de ça. perruques. Il a une perruque et c'est une perruque C'est le perruque du hantée ou je sais crotal, pas du quoi, ouais. cobra. C'est ça, non, mais c'est totalement inspiré ce film. Film que je n'ai jamais vu, mais ma sœur avait le DVD, donc dédicace à Eve. Donc oui, Cérémania, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, parce que si vous l'avez raté, ben c'est trop tard pour y retourner, mais il y a eu des projections cool, il y a eu des choses en VR, une compétition dont, à l'heure actuelle, on n'a pas le résultat, le gagnant, le palmarès, mais peut-être qu'on l'ajoutera au dernier moment. Et une avant-première aussi de Twilight Zone. En présence de Adam Scott, le Ben. Logiquement, Ouais. peut-être Logiquement, pas, ouais, on sait pas, peut-être. c'est le suspense. Et Ouais. ouais, c'est toujours un peu l'événement du mois à Lille. Il se passe tellement jamais rien dans cette ville que. Produit par Jordan Peele, dont on va Oui, Twilight Zone, reparler là dans quelques instants. dont Victor nous reparlera en détail. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce mois-ci? Ben, c'est à peu près tout. Il s'est passé certainement plein d'autres choses au niveau plus indépendant du ciné, de la culture, de l'audiovisuel dont on n'a pas parlé. On a essayé de parler des choses les plus principales qui peuvent peut-être intéresser les gens qui les ont manquées. Il s'est passé. Ah si, un truc, je le dis quand même, parce que voilà. Il s'est passé que la saison 3 de Queer Eye est sortie sur Netflix. Et si vous l'avez toujours pas vue, et ben regardez-la, parce que ça fait toujours Je ne l'ai toujours pas plaisir. fait. Et c'est si tu te sens pas bien, bah tu regardes un épisode et tu pleures un bon Et tu coup et après pleures. non mais après tu te sens tout réconforté et tout et Et c'est tu te trop bien. dis que t'aimerais bien qu'ils viennent. Que les Fab Five viennent Voilà. relooker ta vie. C'est un peu nouveau look pour une nouvelle vie, mais en 10 fois mieux. Et bah justement, en parlant de ça, c'est une recommandation que je vous fais et on va passer à nos recommandations du mois de mars. C'est la solution de tous nos problèmes. Chim, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors, on parlait de séries. Est-ce que tu veux commencer avant? Est-ce qu'on fait un ping-pong? On regarde la transition des séries, donc je te laisse. Moi, j'ai deux séries à vous recommander. La première française, donc Victor, tu sais de quoi je vais parler, j'en avais déjà parlé. C'est Scam France, série adaptée d'une série norvégienne qui s'appelait Scam, qui veut dire honte en français. C'est un peu style, alors je dis ça avec des très grosses pincettes, des pinces à linge, c'est style Skins, mais en Norvège, et là où Skins, chaque épisode était sur un personnage, là c'est chaque saison se concentre sur un personnage. Et aussi, la chose particulière de cette série, c'est que c'est une série transmédia, dans le sens où déjà les épisodes sont postés scène par scène et les scènes sont publiées au moment où la scène se passe. Par exemple, si une scène dans la série va se passer lundi à 8h, elle va être publiée lundi à 8h. Et en même temps, il y a des comptes Instagram pour les personnages qui sont tenus comme si c'était les personnages qui les tenaient. On va voir leur story, on va voir leur post, on va aussi voir sur... on peut aussi voir leur message, on peut voir... C'est un peu... Plein de trucs, c'est trop bien. Ouais, c'est un peu flou. Mais non, mais enfin, c'est comme si c'était nos potes à nous, tu vois. C'est comme si tu ouais, il y a un peu un truc de voyeurisme. Ouais, mais... c'est un peu, mais genre les pas... messages et tout. J'sais... Oui, non, mais c'est pas tout. Tu vois pas toute leur vie non plus. Ouais. C'est des trucs qui ont un rapport avec l'histoire, qui apportent à l'histoire. Ouais. Par exemple, si dans la série, tu vas voir qu'à un moment, un personnage regarde son portable et dit « je dois y aller », il y a de fortes chances que sur le site, tu vas voir son message d'un pote qui lui envoie « eh, au fait, tu fais quoi? Tu veux venir ?» Nanana, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, pour en revenir au pitch, cette saison, la saison 3, donc... tu vois là. Quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. on est sponsor par pitch, alors on cale des trucs comme ça. Donc la saison 3, l'histoire, c'est ce qu'on saute sur le personnage de Lucas. Dans la version originale, c'était sur le personnage de Isaac, donc c'est sa version française, qui découvre, enfin qui commence à accepter son homosexualité et qui tombe amoureux et en même temps. Qui se concentre un tout petit peu sur le personnage de Elliot duquel il va tomber amoureux, qui lui est bipolaire, et du coup ça va parler de l'homosexualité, de s'accepter, des maladies mentales, de s'accepter, de se faire accepter, blablabla. Et cette saison vient de se terminer vendredi, et la saison 4 commence, soit elle a déjà commencé, soit elle commence très bientôt, et cette saison se concentrera sur le personnage d'Iman, qui est une femme noire musulmane qui porte le voile en France. Donc c'est les deux saisons les plus importantes de la série, je trouve, surtout en France actuellement. Et donc je vous conseille fortement de regarder. Alors c'est sur la chaîne, enfin le site France TV/. Il y a les épisodes entiers, vous n'êtes plus obligé de regarder scène par scène, vous pouvez regarder les épisodes entiers. Et c'est très cool, et je vous conseille aussi peut-être de regarder la version norvégienne, qui est aussi très bien. Les deux premières saisons, moi je m'en fous, mais les deux, la 3 et la 4 sont cool. Peut-être que Victor, tu regarderas, je sais pas. je fais chier tellement avec cette série que peut-être un jour tu capituleras et tu regarderas. Ça dure combien de temps un épisode? 20 minutes. Ah, trop long. Trop long. Regarde les scènes par scène. Non, mais de toute façon, je pense que si tu me suis sur Twitter, tu sais, t'as déjà tout vu. Oui, tu oui. Tu sais tout. Oui. Et d'ailleurs, l'acteur de Elliot, l'actrice du Alexia, et le réalisateur et le scénariste étaient à Sériemania samedi il y a 2 semaines. Il y a une semaine même. Deuxième série, c'est une série américaine cette fois, une série qui est sur Hulu. Et qui s'appelle The Act, et qui est une série qui raconte une histoire vraie, l'histoire vraie de Didi et Gypsy Rose Blanchard. Oui, elles ont des noms à coucher dehors, mais c'est un peu Didi, des beaux. Je pense à la sœur de Dexter, qui vient chercher dans son laboratoire. La surchante, là. Ou dit dans It's Always Sunny aussi. Oui, oh, dit toujours dans mon cœur. Mais non, elle est beaucoup plus dingo, celle-là. Donc, c'est l'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard dans je ne sais plus quel pays, enfin, quel état des États-Unis. Donc Didi et c'est la mère, Gypsy Rose c'est la fille, et ça va raconter en deux temps, donc sur plusieurs années, ça va raconter à la fois la relation entre Didi et Gypsy Rose et à la fois l'enquête sur le meurtre de Didi qui s'est passé en simultané avec la disparition de Gypsy Rose. Et en fait, pourquoi cette je sais peut-être que vous connaissez cette histoire, mais enfin on la connaît pas beaucoup en France, mais elle a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, je vais essayer de pas vous spoiler, mais c'est compliqué de raconter sans spoiler. En fait, la particularité de la relation entre cette mère et sa fille, c'est que supposément, retenez bien ce mot, supposément, la fille est atteinte de plusieurs maladies. Mais quand je dis plusieurs, c'est vraiment énormément de maladies. Elle est censée avoir 15 ans. Enfin, la mère dit... En fait, tout ce que je dis supposément parce que c'est tout ce que la mère dit. Vous verrez que c'est important dans la série. Elle a 15 ans. Elle est... paralysée, elle fait des crises d'épilepsie, elle est allergique au sucre, elle a les capacités mentales d'une enfant de 7 ans, enfin elle a vraiment plein de trucs qui s'ajoutent les unes sur les autres, et c'est pour ça qu'elles sont très proches, cette mère et sa fille. La mère s'occupe H24 de sa fille, elles vivent ensemble dans la même maison et tout, et c'est pour ça qu'aussi une relation assez toxique va se développer entre les deux. Et du coup, on va suivre ça dans la série, et sur une autre année, en 2015, on va suivre le meurtre de cette mère et la disparition de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qui? Quand? Comment? Voilà, bref. Et c'est très cool, et c'est très bien écrit, c'est extrêmement bien filmé, c'est genre très... très gros guillemets, Sundance, genre très doux, pastel, de la jolie symétrie, tout ça. Mais en même temps, ça raconte quelque chose de terrible, et les actrices font un taf incroyable. L'actrice de Didi, donc la mère, c'est Patricia Arquette, donc médium, si vous avez la ref. L'actrice de la fille, c'est Joey King. Ah, mais c'est... Alors, oui, j'en ai... Oui, maintenant que je vois de quoi... Tu vois de quoi je parle? Voilà, je savais que ça me... Il y a Chloé Sevigny dedans et Anna Sophia Robb aussi. Et ouais, c'est très très très intéressant, mais c'est aussi très dur à regarder parfois. Parce qu'il y a des scènes vraiment où c'est pas gore ou quoi que ce soit, mais tu sens l'obsession et l'acharnement et le côté glauque de leur relation et de tout ce qu'il y a autour de cet, entre guillemets, enfant qui est un peu vu à la fois comme une bête de foire et à la fois comme un objet très fragile qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas casser, qui veut juste vivre une vie normale mais qui peut pas vivre une vie normale, enfin entre guillemets normale, qui veut avoir des copines, sortir, avoir une vie, elle est à l'école et tout, et elle peut pas, et c'est terrible, mais c'est très très bien, ça donne peut-être pas trop envie de le regarder, mais c'est vachement cool, surtout si on connaît pas l'histoire, et ben de se dire que c'est une histoire vraie, c'est assez fou. Victor, j'ai beaucoup parlé, vas-y, recommande-nous un truc qui est sorti en mars. Alors moi je vais recommander deux films qui sont sortis le même jour, le 20 mars 2019. Oui. Je les ai vus coup sur coup, enfin jour après jour, et je me suis mangé deux grosses claques pour un même thème qui est le mal, le chaos absolu, et c'est... Donc, j'ai dévoilé ces deux films. C'est Us de Jordan Peele et Sunset de Lazo Lemes. Alors, deux films qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Mais ça parle du mal avec un grand M. La production mainstream américaine. Ouais, et enfin, mainstream. Si, mainstream quand même. Bah, ouais, mais bon, c'est pas. C'est pas non mais je veux dire c'est pas un film d'horreur genre ça ou Paranormal Activity ou un truc si quand même c'est produit par Jason non mais dans la production tu vois mais je veux dire dans le sujet production, je veux dire tu dis ça à tes parents ils connaissent pas alors que si tu dis à tes parents ouais il y a Paranormal Activity qui sort ils font ouais oh, encore cette merde mais par contre ce qui est très cool c'est que ça, non ça je parle pour moi par contre désolé je te coupe avant que tu fasses ta reco j'ai vu que c'était il avait battu des records au niveau des entrées 70 millions de dollars de films pour un film original qui n'est pas un reboot un remake blablabla. Bref je te laisse la parole désolé et donc ces deux films racontent le une espèce de soulèvement en fait ce serait vraiment bête d'en dévoiler trop pour Us parce que c'est un film dont le mystère se conserve tout du long mais voilà ce sont des films où on parle de lutte veux dire de lutte mexicaine, de catcheur mexicain. C'est non. Pour ça qu'ils ont des masques, en fait. Masques de catcheur mexicain. De confrontation entre groupes, si tu veux. Et... tu me dis ça, mais moi je sais de quoi je parle. Donc je sais de quoi ça parle. Et ces deux films traitent de cela de manière assez différente cinématographiquement. Donc, c'est un film qui va mêler horreur et humour, mais surtout pour privilégier un côté très feel bad, en fait. C'est le film à la Jordan Peele comme Get Out. C'est pas feel good, Get Out. Tu sors pas en mode j'ai pas perdu ma journée. Moi, il fait beau aujourd'hui. Je vais aller poser au parc. Je suis pas d'accord parce que. Je suis pas d'accord parce que Get Out, il y a quand même. Alors, Get Out, c'est quand même un film qui privilégie. Qui conserve la farce, en fait. Mais c'est pas feel good. À la fin, ça dépend quelle fin t'as vu. Bah oui, mais à la fin, il y a un happy end. Ça dépend quelle fin t'as. Mais il y a qu'une seule fin. Il y a deux fins. La deuxième fin, elle n'est pas mise avec la version du film. Bah, ça dépend. Non. Bah si. Moi, je l'ai vu avec les deux fins. J'ai vu les deux versions, moi. Mais t'as vu les... Si tu le vois au ciné, tu vois la fin ciné, mais... la version DVD non plus, hein, t'as la fin normale. Hein. Bah si tu vas chercher sur internet, tu peux voir les deux fins. T'as dû voir une copie sur je sais pas où, mais... Arrête de juger mes façons de regarder les films. Mais non, mais... Non, mais je veux dire, j'ai vu les deux fins, mais c'est parce que j'ai été chercher les deux Ce que voulait Jordan Peele, surtout en conservant la fin cinéma, c'était aussi de pas... C'était d'avoir de parler de racisme aux États-Unis et tout ça, mais pas non plus de plomber son public. Et il y a quand même un... Je vois ce que tu veux dire, j'entends. C'est pas feel good non plus, c'est malaisant, mais c'est pas feel bad. Alors que Us laisse vraiment... Il y a de l'humour et tout, mais ça privilégie vraiment un côté feel bad jusqu'à sa toute fin, en fait. Et ben, allez voir ça. Si vous voulez déprimer, regardez un épisode de The Act, et après allez voir Us au cinéma, vous allez Sunset, être bien plombé. Sunset, c'est un peu pareil. Alors là, on parle de... On est dans la Mitteleuropa avant la Première Guerre mondiale. On va suivre le parcours d'une femme qui s'appelle Iris, qui est à la recherche de ses racines. Elle va retourner dans la chapellerie où bossaient ses parents qui sont morts dans un incendie. Et qui a été racheté par quelqu'un. Et elle va partir à la recherche de son frère, qui est vu comme un truand, un criminel horrible. Et pendant qu'elle part à cette recherche, une lutte des classes commence à se forger et à mener un chaos absolu. Ça a l'air... Ça me donne moins envie d'aller le voir que Us, en tout cas. Mais c'est deux films complémentaires. Ça a l'air très long, en tout cas. C'est long, ça dure 2h20. Oh putain. Mais c'est une expérience, c'est une sorte d'expérience qui fait qu'on kiffe le cinéma. Et ben, allez voir Sunset si vous avez envie de voir une meuf en plein milieu de lutte des classes. En plus, c'est vrai, le pire c'est que c'est ça. C'est parce que la caméra, en fait, elle est. Que au centre de l'écran, en fait. La caméra, elle est un peu en troisième personne, c'est-à-dire, elle va être derrière elle. Comme dans un jeu vidéo. Tout près, mais vraiment tout près. C'est Call of Duty, le truc. Et elle va se balader. Et elle va se balader, en fait, dans les rues. C'est un film où les gens se baladent dans les rues et parlent pas beaucoup, c'est pour ça que c'est. Ah, ça parle beaucoup. Ah, ça parle beaucoup. Il y a même un travail sur les murmures et tout. Ah, okay. C'est vraiment il y a un travail sur le son, en fait, où débit de parole assez ouf. Intéressant. Est-ce que t'as une autre recommandation de Mars? De Mars, non, parce que je préfère les Twix. Je voyais tes yeux. Je me dis, putain, il réfléchit, il va nous sortir un truc avec des sneakers. Moi, j'en ai une autre, un film, parce que j'ai parlé de série, mais j'ai pas parlé de film. Évidemment, comment ne peut-on... Je sais plus. C'était très bien là, c'est très bien parti. Comment on peut ne pas t'es en parler? T'es juste fatigué en fait. Non mais je sais plus si c'est français ce que je dis. Comment peut-on ne pas en parler? C'est sorti en début du mois et il faut en parler parce que c'est un grand film. On parlait de Marvel au début avec Avengers Endgame et ben je reparle de Marvel avec Captain Marvel qui est absolument incroyable, n'en déplaise. J'ai rien. Non, je parle pas de toi, je parle des gens qui ragent sur Captain Marvel qui disent que c'est de la merde. Et ben ce n'est pas de la merde, c'est très bien. C'est même Moi, enfin, personnellement, j'adore Marvel, les BD, j'adore Captain Marvel, le personnage, même sans ça, parce que c'est une réécriture totale, complète de son histoire, de ses origines. Même sans ça, c'est un très bon film. Il y a quelques défauts, évidemment. C'est un très bon film, et je dirais pas c'est un très bon film pour un Marvel, parce que je trouve que c'est un peu prendre les Marvel de haut, et qui sommes-nous pour faire ça? C'est un très bon film d'action. Il y a des super scènes d'action, super bien chorégraphiées, la BO est cool, il y a des musiques des années 90. J'hésite toujours. D'ailleurs, c'est pas à fond nostalgie 90 style Stranger Things. Putain, on a oublié d'en parler, trailer de Stranger Things saison 3. Ouais, mais bon, ça, on peut s'en passer. Bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus, juste aller voir il est cool. La bande de Steve et de ses amis d'American Dad On part pas American Dad dans Stranger Things. Non, ça a l'air cool. Allez le voir si vous l'avez pas vu, si vous étiez pas au courant. Voilà, juste ça. Il y a Winona Ryder et David Harbour, donc c'est chouette quand même. Voilà. Donc Captain Marvel, c'est très bien. C'est Origin story d'une héroïne, c'est le premier film Marvel avec un personnage féminin principal, ce qui est cool. Et ouais, voilà, pas grand chose à dire dessus. Oui, c'est que très chouette. C'est Captain Marvel qui casse des gueules et qui. Il y a quand même une mini morale avec des mini. Enfin, mini morale entre guillemets, il y a une jolie morale avec des jolies valeurs et des jolies. Des jolies plans, des jolies choses. C'est joli. C'est. Tu te sens badass. Quand tu vas le voir, t'es tout excité et tout, et c'est cool. C'est tout. C'est tout, ça fait quand même longtemps déjà qu'on est ensemble. C'est tout, pour le moment. La voix est avec vous. Alors, vous le savez pas, vous ne le saviez pas, mais anecdote vraie, Victor est la voix de Secret Story. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il l'a fait, je sais pas comment il fait pour garder la même voix depuis si longtemps, mais bravo Victor. On va se quitter. On va se quitter et on se dit à bientôt pour une prochaine émission et à dans un mois pour un prochain rattrapage. Vous pouvez, comme d'habitude, nous suivre sur iTunes, sur Google Podcasts, sur partout, sur notre site, sur Twitter, Facebook. Vous cherchez, vous avez Internet, vous savez comment ça fonctionne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Victor, d'avoir bien voulu ouvrir la salle avec moi aujourd'hui pour 30 minutes d'émission. Et on se dit au revoir. Au revoir. Je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une île déserte que recouvre la mer, mes plages se dévident. Cercueil.